et des taches de rousseur sur le nez, sur le cœur, qui dessine des petits ronds sur mes joues, sur mon front. Je vis au jour le jour. Chaque seconde de ma vie.